De bonheur ou d'infortune, le plus fidèle à revenir, c'est mon village au clair de lune. Me voilà, c'est moi, Fredo le porteur. Ce que j'en vois défiler des gens du matin au soir dans ma gare. Où ce qu'on dit qu'ils sont si bizarres. Des décidés, des hésitants, des pressés, des qui prennent leur temps. Tandis que moi, je prends leur valise. Et dans tous ceux-là qui s'en vont, on n'en voit jamais un qui se dise le porteur. Peut-être qu'il trouverait ça bon de monter avec nous dans le wagon. Alors, je reste Fredo le porteur. L'autre jour, un taxi s'arrête, je me précipite, c'était mon tour. J'ouvre la portière, je rentre la tête pour bien voir s'il y avait du lourd. Et puis, là que j'aperçois une fille qui avait tellement de beauté que j'en étais paralysé tout en tremblotant sur mes quilles. Elle me dit avec un sourire, « Tenez porteur, prenez tout ça. » Et moi, comme un mannequin en cire, je la regardais et puis je bougeais pas. J'avais envie de lui dire, madame, depuis qu'il m'est permis de rêver, depuis que je connais le verbe aimer dans le corps, dans le cœur et puis dans l'âme, c'est toujours à vous que j'ai pensé. Sûrement vous étiez l'inconnue, celle qu'on arrange à sa façon, qui refuse rien, qui se met toute nue, et qui a la peau comme une chanson dont chaque refrain dirait « Je t'aime ». Et je suis là devant vos yeux, vos grands yeux bleus, si beaux, si sombres, qui trouvent moyen avec tant d'ombre de rester tellement lumineux, qu'il faut convenir que dans le fond des cieux, la nuit a dû crever son voile pour que ces plus jolies étoiles dégringolent s'installer chez eux. Mais la fille m'a interrompu. Hein. Alors, l'ami, qu'est-ce que vous faites? Ça va pas bien? Vous êtes perdu? Je lui ai dit non, en secouant la tête. Bon, alors, qu'elle a dit, ça va? Attendez pas, prenez tout ça. Et j'ai empoigné les bagages, les sacs, les cartons à chapeau. Je me suis tout filé sur le dos et suis parti dans son sillage vers le wagon capitonné. Où est-ce que je l'ai doucement installée pour qu'elle soit bien pendant le voyage. Quand elle m'a tendu du pognon, sûrement qu'elle n'a pas dû comprendre pourquoi que subitement j'ai dit non et que je me suis dépêché de descendre. De là, je suis parti au bistrot. J'ai bu un coup, deux coups, trois coups. J'ai bu jusqu'à temps que je sois sous. Puis j'ai expliqué au poteau les beaux yeux et les cheveux de ma blonde. Quand j'ai eu fini de raconter, si vous avez vu à la ronde, comment qu'ils ont tous rigolé. Moi, j'ai rigolé avec eux. Entre hommes, fallait ça, c'était mieux. Mais ce que ça me faisait mal de rire, surtout que je pouvais pas leur dire que d'un coup, je me sentais tout vieux. Parce que moi, Fredo le porteur, je venais de faire la plus grande bêtise en ayant porté la valise qui, pour toujours, emmenait mon cœur. Voilà, c'est terminé. Tout le monde est parti. Notre fille est mariée. Elle est partie aussi. Tu crois que nos invités ont tous été contents? Avec ce qu'ils ont bu, ce serait pas étonnant. Va falloir tout ranger, j'en ai pour un moment. Tu dois être fatigué, viens t'asseoir un instant. Tout comme il y a 20 ans, on se retrouve tous les deux. Ça devait arriver, mais avoue que c'est curieux. On a vécu pour ça, peut-être que sans enfants, on s'aimerait pas autant qu'on s'aime toi et moi. C'est vrai ce que tu dis là, notre fille chaque jour a grandi notre amour. On a vécu pour ça. Le temps n'était pas beau en sortant de la mairie. Nous avons eu après une belle éclaircie. Oui, j'espère que l'oncle André a pris de bonnes photos. Il en était déjà à son 10e porto. Quel succès on a eu en allant à l'église. Ah oui. Notre fille à ton bras, ce qu'elle était exquise. J'étais très fier, vois-tu, mais c'est à cet instant que j'ai senti vraiment s'échapper mon enfant. On a vécu pour ça, pour qu'elle parte un jour vivre le même amour qu'on a eu, toi et moi. C'est vrai ce que tu dis là, nous avons réussi. Je suis content, ma chérie. On a vécu pour ça. Ce voyage à Venise, ta fille en était folle. Pourvu qu'elle mette un châle, il fait frais en gondole. Notre gendre au repas n'a pas beaucoup parlé. Avec ses allusions, l'oncle André l'a gêné. Il a dû retrouver la parole à présent pour dire enfin ça, comme nous il y a 20 ans. Et je pense tout à coup, tu pourrais être grand-mère. Par la même occasion, toi, tu serais grand-père. On va vivre pour ça, pour dénicher le facteur et lui dire avant l'heure. Vous n'avez rien pour moi? C'est vrai ce que tu dis là. Notre vie, c'est la leur. Serre-moi fort sur ton cœur. On a vécu pour ça. On a vécu pour ça, nous de même, en compagnie de Pierrette Bruno et Bourg. Nouveau 45 tours. Bonjour Abdel. Vous nous téléphonez de quel endroit? De Leuven. Oh là là, votre ligne n'est pas fameuse, hein? Ah oui, oui, mais je vous écoute très bien, mais c'est seulement qu'il y avait un autre téléphone dans la ligne, je n'écoute pas très bien. Oui, allez-y Abdel pour votre salve. C'est le B8, Bernard 8. Bernard 8? Oui. B8, Bernard 8. Et blanc, il n'y a pas de justice. Hein? Je suis désolé pour vous Abdel, hein? En B8, Bernard 8, il n'y a que de l'eau. Bon après-midi. J'aime plus précisément les 25 et 26 février à Forêt Nationale. Le cadeau du week-end. Cette fois-ci, c'est parti pour le cadeau du week-end. Vous connaissez le principe. Attention, 5 sonneries maximum. Nous allons à Saint-Géry, chez Madame Marie-Christine Caston. C'est Madame Marie-Christine qui habite Saint-Géry pour ce cadeau du week-end. Alors Marie-Christine, si vous êtes chez vous, attention, hein, ça va sonner dans quelques secondes. 5 sonneries maximum. Si vous aussi, vous désirez participer au cadeau du week-end, c'est très simple finalement. Une petite carte postale avec votre nom, puis voilà, c'est parfait. Oui, Madame Marie-Christine. Oui, je vous écoute. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Vous allez bien Marie-Christine? Oui, très bien. Oui, vous écoutiez la radio, le deuxième programme. Certainement. Tant mieux Marie-Christine. Vous connaissez le principe de ce cadeau du week-end? Oui. On va vous faire écouter une bande et puis vous criez surtout très très fort « Cadeau !» D'accord Marie-Christine? Ça va. C'est parti, attention. Cadeau. Oui. Oui. Voilà, pour assister les 25 et 26 février à Forêt Nationale au concert de Johnny Hallyday. Voilà votre cadeau, Marie-Christine. Oui. 4 places pour assister les 25 et 26 février à Forêt Nationale au concert de Johnny Hallyday. J'espère que ça vous fait plaisir, Marie-Christine. Non, mais c'est bien gentil. Oui, vous êtes une fan de Johnny ? Bon, j'apprécie certaines de ses chansons, je dois dire. Oui, mais j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à aller à Forêt Nationale, Marie-Christine. Hein. Oui, merci beaucoup. Eh bien voilà, pour le 25 février, vous irez avec vos amis, Marie-Christine, à ce concert spécial Forêt Nationale de Johnny Hallyday. Je vous rappelle que tous les cadeaux de ce week-end seront offerts par le Salon de la Maison et des Vacances du Palais des Expositions de Charleroi. On vous en parlera tout au long de ce week-end. Ce salon s'ouvrira la semaine prochaine, alors soyez déjà prêts au rendez-vous. Si vous voulez connaître tout dans le domaine de la maison et des vacances, ne manquez pas d'assister à ce salon à Charleroi. Et je vous rappelle que pour participer au cadeau du week-end, vous nous envoyez chaque semaine une carte postale sur laquelle vous inscrivez votre nom, votre adresse complète et votre numéro de téléphone. Et à tout moment, du samedi 13h au dimanche 15h, on peut vous appeler et vous faire gagner des super gros lots. Aujourd'hui, madame vient d'emporter 4 places pour assister le 25 février à Forêt Nationale au concert de Johnny Hallyday. Mais je vous dis que dans la liste des cadeaux de ce week-end, il y a notamment des téléviseurs couleurs et des magnétoscopes couleurs. Bonne chance! Soyez toujours heureux avec Weekend sur la 2. Le cadeau du week-end. Le combat musical avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous allez bien Frédéric ? Oui, très bien. Je vous écoute pour votre salve. B2. Bernard 2. Ne quittez pas. C'est raté. Oh, c'est dommage. Daisy. Oh, bah. Je vous avais posé une question, ma chère Daisy, l'entretien des meubles, ça vous intéresse ? Oh, bah bien sûr, toujours, hein. Oui, bah alors, vous allez écouter, je suppose, siffler en bricolant ? Mais oui. Dans 32 minutes, là. Bien sûr, on ne peut pas manquer ça. Oui, en tout cas, c'était une blague, hein. Je suis vraiment désolé pour vous, Daisy. C'est rien, j'espère que vous pour la prochaine fois, j'espère. Ben oui, c'est-à-dire dans 2 mois, d'accord ? D'accord, au revoir, bon au revoir. Après-midi. Au revoir, Daisy. Je rappelle quand même la salle de Daisy, allô, évidemment, E1 et 1001. N'hésitez pas, vous pouvez jouer avec nous, et ce, jusqu'à 15h en combat musical, en formant un seul numéro de téléphone, le 31 31 56, avec le préfixe 065. Grand Seigneur, côté cœur. Monique au téléphone. Bonjour Monique. Bonjour. Vous nous téléphonez de Bruxelles. C'est ça, oui. C'est votre première tentative téléphonique dans ce combat musical ? Moi-même, oui, mais mon mari et ma petite fille ont déjà joué et gagné. Oui, je suppose que vous avez respecté le délai de 2 mois. C'est évident, on vous écoute pour votre salve, Monique. E9. Ça y est, au fond de l'eau, c'est terminé. Oh, bravo, Monique. Vous venez de couler un sous-marin. Un sous-marin coulé, si. Oui, ça c'est tout à fait exceptionnel. Je vous entends très mal, excusez-moi. Oui. E9, E9, il s'agit d'un sous-marin. Ça tourne une nouveauté de la semaine, Phil Everly et Cliff Richard. She means nothing to me, Monique. Monique. Oui, allô. Oui, allô. Déjà, vous me dites allô, mais on verra quand même, hein, Monique. Allez-y pour votre salve. Gaston 2. Gaston 2. Bah oui. Vous avez déjà nagé, vous, hein, ça se voit, hein. Ah, Monique. En G2, Gaston 2, eh bien, c'est de l'eau. Il n'y a que de l'eau, c'est ça. Oui. Voilà, est-ce Monique. Oui. Est-ce que ma petite fille pourrait vous parler hors antenne ? Oui, mais hors antenne, d'accord, Monique. En je tout vous cas, la passe, alors, merci beaucoup. Oui, en tout cas, vous repartez avec 500 francs offerts par l'auto, Monique. Eh bien, c'est bien gentil, je suis très contente. Merci beaucoup. Et merci d'avoir joué avec nous. Au revoir, Monique. Le combat musical. Avec vous au combat musical, allez-y pour votre salve, Michel. Gaston 3. Gaston 3. Regarde, regarde, il a touché, ça y est. Et oui, Michel, en G3, Gaston 3, votre avis, qu'avez-vous touché ? Le grand, le cascade. Oui, l'immense cuirassé amiral. L'amiral, c'est ça. En effet, premier morceau. Le cadeau du week-end. Le cadeau du week-end dans ce combat musical. Jean-Loup, vous avez la ligne, gardez-la. Nous allons précisément à Herstal, chez Monsieur André Finet. 5 sonneries maximum pour ce cadeau du week-end, chez Monsieur André Finet, qui habite Herstal. Si vous êtes chez vous, décrochez 5 sonneries maximum. Attention. On n'a plus la ligne. C'est pas vrai. Oui, on va reformer ce numéro. Sur une fois, j'en veux quand même. Hein. Chez monsieur André Finet, Camille Castal. Voilà la ligne. Puis dans quelques minutes, la suite de ce combat musical avec une grille, ma foi, qui commençait bien. Et puis ça a l'air de traîner un tout petit peu. Hein. Nous allons rejoindre dans quelques minutes Michel. On verra s'il va poursuivre avec ce cuirassé amiral. Aujourd'hui, Dire Straits. Cadeau du week-end, 5 sonneries maximum. Et puis si vous désirez participer avec nous à ce jeu tout au long de ce week-end, une carte postale, vous inscrivez votre nom, votre adresse complète et puis surtout votre numéro de téléphone. Et puis oui, on risque de vous appeler tout au long du week-end. Attention, chez monsieur André Finet à Herstal. Première sonnerie, je pense, c'est ça? Oui, la deuxième. Oui, c'est bizarre. Allô? Oui, nous sommes bien chez monsieur et madame André Finet. Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est le cadeau du week-end de Jean-Louis Viseur, Serge Van Halloween. Bonjour, monsieur. Voilà, vous êtes chez vous, vous nous avez envoyé votre carte postale. Oui. Avec votre numéro de téléphone. C'est ça. Vous connaissez le principe du cadeau du week-end? Oui, bien sûr. Votre prénom, c'est comment? Victoria. Victoria, voilà. Victoria, c'est parti, criez très très fort cadeau. Attention. Cadeau. Une autre radio offerte par l'ICTV Contact et le Capitaine Royan. Et bien voilà. Un radio. Vous venez de remporter une montre radio offerte par l'émission TV Contact et le Capitaine Royan. Vous avez des enfants? Oui. Mais ils vont être très heureux de pouvoir écouter la radio en regardant l'heure. Une montre radio offerte par l'émission Contact TV et par le Capitaine Royan que vous recevrez très rapidement d'ailleurs. Et je vous rappelle que tous les cadeaux de cette semaine, de ce week-end, sont offerts par le Salon de la Maison et des Vacances de Charleroi, qui ouvrira ses portes samedi prochain à Charleroi au Palais des Expositions. Si vous voulez tout connaître en matière de vacances, en matière de maison, ne manquez pas de ce rendez-vous du Salon des Vacances de la Maison à Charleroi. Je vous remercie, c'est bien gentil. N'oubliez pas non plus, si vous voulez jouer avec nous tout le week-end entre 13h le samedi et le dimanche 15h, ne manquez pas de nous envoyer une simple carte postale à notre adresse avec votre nom, votre adresse complète, bien entendu, et votre numéro de téléphone. Cadeau du week-end, Studio du Hainaut, Jardin du Mayer 7000 Mons. Le cadeau du week-end. Le combat musical avec Michel. Oui. Vous venez de toucher notre cuirassé amiral Dire Straits en G3. On vous écoute pour votre salve, Michel. H3. Mana, mana. Eh bien, cette fois-ci, c'est raté, Michel. Ben voilà. En tout cas, l'orientation de ce cuirassé amiral se précise pour les autres. Bon week-end sur la 2, Michel. Merci, au revoir. Surtout, vous gagnez ça sans francs faire par le tour. Au revoir, Michel. Merci de nous avoir passé un petit coup de fil. 31 31 56, préfixe 065. Je crois que c'est quand même bien parti hein, pour ce cuirassé amiral. Attendez, il vous reste, deux possibilités finalement, hein, pour bien orienter ce cuirassé amiral Dire Straits. Captain Sensible, le titre que vous connaissez, what? Well, I woke up this morning, I was feeling fine, but this cat starts banging, man, what a swine. So I called reception, but no avail. Why I'm telling you this sorry tale. It went bang, I said shut up. It went bang, I said wrap up. Well I'm aware that the guy must do his work, but the part of a man drove me berserk. He said captain, I said what? He said captain, I said what? If you don't work, you get no pay. I've been to the east, I've been to the west, but the girls I like most are the ones undressed. Well, hello, Adam, where you been? I said, stand aside, cause I'm a feeling mean. I had a gut full of you and I'm a feeling bad, but you're an ugly old pirate and ain't I glad? He said, captain, I said, what? He said, captain, I said, what? He said, captain, I said, what? He said, captain, I said, what you want? Said what? Said captain, I said what? Captain Sensible, what? Michel. Oui. Bonjour Michel. Bonjour. Vous nous téléphonez de quel endroit Michel? Domaine des Pellieux à Mons. Oui, voilà qui est complet. On vous écoute Michel. Fernand 3. Touché. En effet, Michel, F3, G3, deux morceaux pour l'instant de ce cuirassé amiral. Vous restez là, Michel? Oui, oui. J'espère que vous aimez beaucoup Dire Straits. Oui. Oui, bah là, ça me fait bien plaisir parce que moi, personnellement, j'adore. On va rester avec ces musiciens très doués, cette musique légère et tout à fait agréable. Private Investigations. Private Investigation, Dire Straits, Michel. Oui. Oui, allez-y pour cette salle. by the Pool, Dire Straits, le Cuirassé Amiral pour aujourd'hui. Terminé pratiquement pour ce combat musical de ce samedi 19 février 1983. Auparavant, Jean-Loup, nous allons faire nos petits comptes et même donner 5 salves dans l'eau, n'est-ce pas? Si vous voulez, je vous rappelle que nous ajoutons directement 5500 francs à la cagnotte. Vous allez jouer cette semaine pour 55 500 francs. Je vous rappelle également que la cagnotte 80, de la grille 80, a été emportée par 3 personnes. On vous en parlera tout au long du week-end. Mais cette semaine, la grille 81 comporte une cagnotte de 55 500 francs. Voici des salves dans l'eau, bien entendu. C1, C1, C2, Camille 1, Camille 2, I3, Isidore 3, J3, Jean 3, et G5, Gaston 5. Voilà des salves dans l'eau que je vous donne. Je vous rappelle que vous devez être très nombreux à jouer à l'école, maintenant que vous rentrez, pourquoi pas, dans les cours de récréation, à l'usine, à l'atelier, partout, quoi. Au bureau, oui. Et qui sait, dans les garnisons. Pardon, oui. Oui, mais si vous écoutez au moins ce que je vous raconte, dans les garnisons en Allemagne, pourquoi pas, c'est un passe-temps admirable de jouer au combat musical, au moins c'est plus antique que de jouer avec les tanks. Et naturellement, vous envoyez votre grille complète pour gagner 55 500 francs à notre adresse, Combat Musical, Studio Duno, Jardin de Meyer, 7011. Vous n'avez pas encore de grille? Eh bien, vous nous envoyez sous enveloppe un billet de 50 francs, un timbre à 10 francs. Et par retour du courrier, je vous le promets, s'il n'y a pas de grève dans les postes, eh bien, nous vous envoyons bien sûr 25 grilles officielles du Combat Musical. Attention, hein, 55 500 francs, c'est quand même pas mal parti pour cette émission. Il est 13h. 15h à week-end sur la belle. Samedi et compagnie. Sifflez en bricolant. Une émission de Jean-Loup Bizard, présentée par Myriam et Michel. Programmée et réalisée par Louis Droussy et André Pirenne. Every day the hall is getting tighter and it troubles me. Radio Attaque, c'était le groupe ABBA. Samedi et compagnie, suite, bonjour à vous tous, c'est Sifflé en bricolant jusqu'à 16h. La seule émission qui vous permet de planter un clou sans vous taper sur les doigts avec l'aide technique aujourd'hui de André Van Der Stappen, Jean-Pierre Hanson, une programmation musicale de André Pirenne, une réalisation de Louis Drouzy. Siffler en bricolant tous les samedis de 15h à 16h sur le deuxième programme Radio RTBF, une émission animée par Myriam Wery et Michel Vincent. Siffler en bricolant, une émission bien sûr qui vous aide et vous informe sur tout ce qui concerne le bricolage. Et pour débuter cette émission à 15h05, on va parler courrier, Michel. Mais effectivement, bonjour, parce bonjour, que... je t'ai pas dit bonjour. Bonjour Myriam, mais bonjour Monsieur Maitens qui est en studio déjà. Je voudrais rappeler à vous qui nous écoutez de ne pas vous inquiéter si vous n'avez pas encore reçu le plan de nichoir ou le masque de carnaval que vous nous avez demandé. Enfin, quelques jours de patience encore et tout sera vraiment arrivé à bon port. Alors, en ce qui concerne le concours spécial isolation Batibo 83, ne nous envoyez plus vos questions puisque la liste est clôturée maintenant et la liste nous la faisons parvenir aux experts en isolation naturelle qui répondront dans Siffler en bricolant le samedi 5 mars en direct de Batibo 83 et où nous serons d'ailleurs déjà samedi prochain pour vous présenter ce matériau de construction précis, stable, léger et isolant qu'est le béton cellulaire. Voilà, quelques informations pour les deux semaines prochaines. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien des meubles avec M. Mittens, qui est déjà dans le studio. M. Mittens, ces meubles, vous les connaissez particulièrement bien pour les côtoyer, les caresser et les vendre aussi. Alors, ces meubles, est-il réellement nécessaire, tout d'abord, de les entretenir? Est-ce pour le plaisir visuel ou réellement pour nourrir le bois? C'est-à-dire qu'il faut en avoir fait une grande distinction de catégories de meubles en fonction... Il y a un petit problème de micro, alors Monsieur Metten, si vous permettez... Eh bien, je ne sais pas, vous pouvez peut-être simplement nous expliquer quelles sont les catégories de meubles. Oui, en fait, il faudrait donner trois grandes catégories de meubles, non pas en fonction de leur style, mais en fonction de leur entretien. Alors, on donnerait trois catégories meubles anciens, meubles de style et meubles contemporains. Voilà, mais je pense que ce sont trois catégories de meubles dont nous allons pouvoir parler tout au long de cette émission. Tout à l'heure, j'espère que c'est Rami, en tout cas maintenant, musique. Allez, hop. Maxime le Forestier. Depuis le temps que j'étais à ma place, que je trônais dans la salle à manger, j'ai vu passer un siècle comme passe 10 000 années quand on est un rocher. Bien sûr, 100 fois on a changé les chaises, mais on ne peut parler de compagnie avec des gens dont l'humour est punaise et rempaillage l'unique souci. Quant aux humains, pardonnez-moi, c'est pire, ce que j'ai vu est à vous dégoûter, et j'en connais qui donnerait un empire pour m'empêcher aujourd'hui de parler. À mes débuts, je suis sorti pimpante, fraîche et menu des mains du menuisier, pour atterrir chez ton arrière-grand-tante. We'll be right back. and the tickets of the time. Sergeant Baker got a call from the governor of the county jail. Load up, load up, load up, we're up a bullet. Load up, load up, load up, we're up a bullet. I love to hear those convicts squeal. It's a shame these slugs ain't real. But we can't have dancing at the local county fair. Sergeant Baker and his men made a beeline for the jail. And for miles around you could hear the sirens wail. There's a rumor going round death row that a fuse is gonna blow at the local hop at the local. Tell me why you're crying, my son. I know you're frightened like everyone. Is it the thunder in the distance you fear? Will it help if I stay very near? I am here. And if you take my hand, my son, all will be well. Mankind has done in a world filled with sorrow and woe. If you ask me why this is so, I really don't know. And if you take my hand, my son, if you take my hand, my son, I'll be de tamboerijntje. Halleluja. De herrie van Peter, Paul en Mary, The Day Is Done, voorafgegaan door de Rubber Bullets, 10cc en MacArthur Park, Richard Harris. Om meteen maar alle misverstanden de wereld uit te... Il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd, il n'entendait pas mieux. Il y a des phrases comme ça, j'ai ouï dire qu'il y avait des choses qui entraient par une oreille et qui ressortaient par l'autre. Ça, je veux dire, j'ai jamais rien vu entrer par une oreille et encore moins sortir. Bon, il n'y a qu'en littérature qu'on voit ça, dans Rabelais. Ah, dans Rabelais, nous lisons que Gargamel a mis Gargantua au monde par l'oreille gauche. Si je vous entends que par l'oreille droite, il devait se passer des choses, dis-donc. Des cris et des chuchotements. De quoi vous faire dresser l'oreille? Alors dit monsieur, on me dit, mais monsieur, quand on parle de choses qui n'ont pas une oreille qui ressemble pas l'autre, on ne parle pas de choses vues, mais de choses entendues. J'entends bien. Un air peut très bien entrer dans le pavillon de l'oreille, mais il n'en sort pas. Alors je prends un exemple, un air qui me traverse la tête. Viens dans mon joli pavillon! Eh bien, quand il est entré dans le pavillon de l'oreille, il n'en sort plus, c'est fini. C'est ce qu'on appelle une rengaine. Une rengaine est un air qui commence par vous entrer par une oreille et qui finit par vous ressortir par les yeux. Oh, j'ai ouï dire, le verbe ouïr, au présent ça fait joie. Joie! Si au lieu de dire j'entends, je dis joie, les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux. Alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. Il faudrait préciser, Dieu, que ce que je vois est triste. Joie. Tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois. Il oie. Oyons-nous? Vous oyez. Ils oient. C'est bête. Loi, oie. Et loi, loi. Ce que nous oyons, loi, loi-t-elle? Si au lieu de dire l'oreille, on dit Louis, alors. Par exemple, oui, Louis de loi, oui. Pour peu que l'oie appartienne à Louis, alors. Louis de loi de Louis, ah oui. Ah oui? Et qu'à oui, Louis de loi de Louis? Et là, oui, ce que tout toi, moi. Et quoi, tout toi? Eh bien, tout toi, moi, comme mon chien aboie le soir au fond des bois. Tout toi, moi, moi, moi. Au passé, ça fait jouir. Jouir, il n'y a vraiment pas de quoi. Chanson comique. Plus chaud, verdi. Chanson comique, celle de Cocagne et Delaunay, je baille. Oui, en parlant de bailler, vous connaissez l'histoire du Corse qui baille à s'en décrocher les mâchoires? Non. Et sa femme lui dit, tiens chérie, tant que t'y es et que t'as la bouche ouverte, tu veux pas appeler les enfants pour manger? Ah d'accord, elle est très drôle celle-là, très bien. Vous repasserez mon cher Adrien. Attention, des petits cadeaux pour vous là tout de suite à propos de Serge Yado qui sera dans nos murs du 23 février, c'est-à-dire à partir de mercredi et ce jusqu'au 19 mars 1983. Serge Yado va démarrer sa tournée en Belgique à Bruxelles, au Palais des Beaux-Arts plus précisément. Nous avons 5 fois 2 places à vous proposer, il suffit pour cela de nous téléphoner au 31 31 56, préfixe 065, 31 31 56, préfixe 065, 5 fois 2 places pour le spectacle de Serge Yado à Bruxelles au Palais des Beaux-Arts. Serge Yado sera également le mardi 1er mars à Louvain-la-Neuve, le vendredi 4 mars à Isel, le samedi 5 mars à Dolin, et puis le dimanche 6 mars, il sera avec nous dans Histoire de rire, je crois qu'on va bien s'amuser avec Serge Yado. 31 31 56, préfixe 065 pour ces 5 fois 2 places. Pour mercredi, pour le spectacle de Serge Yado au Beaux-Arts. Nous allons d'ailleurs le retrouver dans quelques instants, puisqu'auparavant, voici un flash. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, rebonsoir. Un étrange fléau sévit en ce moment sur tout le pays. Les personnes atteintes par cette étrange maladie se mettraient, paraît-il, immédiatement à chanter un air d'opéra assez étrange. Mais je crois qu'une fois de plus, il ne faut surtout pas prendre cette information trop au sérieux. Jean-Loup Viseur, prends garde. Ça suffit, emmenez-le, il est complètement fou, ma parole. Il avait conservé des relations parmi les journalistes. Les journalistes, ils faisaient comme à l'habitude, ils continuaient à raconter des ils continuaient à entretenir sa légende, pardon. Alors, il disait qu'il était numéro un au Japon, parce que tout le monde sait très bien que quand un chanteur français ne fait plus du tout parler de lui chez nous, invariablement et obligatoirement, les journaux ils disent que c'est parce qu'il fait un triomphe en Extrême-Orient. On ne va pas vérifier, les mecs, on a eu assez de mal à les virer, on ne va pas faire 10 000 km pour voir s'ils y sont quand même. Hein. Comme dirait Kadhafi, on a l'alibi qu'on peut. Et encore, je suis Tripoli. De toute façon, on s'en fout. On s'en fout parce que même s'ils revenaient en France, on les bloquerait à Poitiers. Mais... oui, c'est spécial, ça, il faut déjà être au courant. Mais en fait... Je me souviens, un jour j'ai vu un journal, il est marqué en grosses lettres Adamo numéro 1 au Japon. Eh bien, bien fait pour leur gueule. Cadeau. Ah non, il nous fait pas besoin. Non, non, non, il nous prive pas. Non. Eh, en prime, on vous file Aznavour. Là, t'aurais vu la gueule des Japonais, là, ils ont dit des miniatures, on en fabrique aussi. Quel humour débridé. Remarquez. Aznavour, depuis, a trouvé beaucoup mieux. Maintenant, il dit qu'il fait le tour du monde en bateau. Ça aussi, dans le show business, le coup du bateau, ça marche bien. C'est venu tellement à la mode qu'un jour, il ne restera plus qu'un seul chanteur chez nous. Éric Tabarly. C'est grave. Oh, c'est pas très marrant. D'autant plus que... Aznavour n'est pas du tout bâti pour faire du bateau. Enfin, vous imaginez Aznavour en train de baisser le foc, sortir la vergue. Moi, je me rappelle... la première fois qu'on l'a vu arriver pour un spectacle à Perpignan, je vous parle de ça il y a longtemps. J'étais petit. Lui aussi. Moi j'ai grandi, on a été surpris. On a dit c'est pas possible, ils nous l'ont livré en kit, ce malheureux. Et les mecs là-bas, ils attendent toujours le reste des caisses. Hein. Mais je fais pas que critiquer, non. Il a du talent, c'est vrai, je l'ai vu à Aznavour une fois dans un film policier. Je l'ai vu. Si, non, j'ai aucun mérite, il y avait des gros plans quand même, hein, bien sûr. Mais il était à la hauteur, il jouait avec Pierral. Spirale, c'est un nain qu'on fait passer sous les tables, tu sais, dans les spectacles. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui rigolent à contre-temps, on ne sait jamais pourquoi. Et alors, donc, il jouait un rôle de gangster. Et à un moment, Aznavour, il s'est fait attraper par les flics. Il avait une menotte au poignet, le commissaire de police avait l'autre menotte à son poignet pour l'amener jusqu'au palais de justice. Et le flic, c'était vraiment une bête. La bête, le mec normal chez nous, à Perpignan. Oui, évidemment, vous ne pouvez pas savoir, vous jouez qu'au foot. Mais la bête. Et alors, à côté, Aznavour, minable, rachitique, avec son bracelet qui pendouillait, je vous jure, on aurait dit un porte-clés, le mec, hein. Il paraît même qu'il va être commercialisé prochainement en boîte de 12. Non, mais on se moque de sa petite taille, parce que comme il a du talent, on n'a jamais rien trouvé d'autre à lui reprocher que ce petit défaut physique sur lequel, pour ma part, très élégamment, je me garderais bien d'insister outre mesure, parce que c'est tout petit détail, je ne me permettrai pas. D'ailleurs, Aznavour est très populaire en France. Il est hors de prix en France. Il est même hors de France, la plupart du temps. Oui, ben il a du coffre. Mais enfin, à tout prendre, il vaut quand même mieux être hors de prix chez nous que hors d'œuvre chez Bocassa. Ça, c'est plus dur à avaler, hein. Bon, on n'a peut-être pas des menus aussi variés. Convenez. Non, restez assis. Mais enfin, on a quand même des compensations. En France, on a des sociétés nationalisées. En France, on a l'EDF. L'EDF, l'électricité, c'est pratique. On paye par chèque, après on est remboursé. En petite coupure, finalement. On se rend compte que quoi qu'on fasse en France, il y a toujours des mécontents, mais je tiens à le dire, les mécontents ne sont qu'une minorité, une petite minorité. Les Occitans, les Corses, les Basques, les Catalans, les étudiants, les travailleurs immigrés, les agriculteurs, les cadres moyens, les retraités, les ouvriers, les syndicalistes, les cheminots, les artisans, les enseignants, les viticulteurs, les pétroliers, les fonds, les foyers, les salariés, les PME, les patrons, les chauffeurs, les taxis, les spectateurs, les professions libérales. Bref, une minorité. Quoi, les Bretons? Je les ai sautés, les Bretons. Eh bien, c'est bien fait. Plus on les saute, et plus ils sont contents. Non. Non, j'ai dit ça. C'était juste un test pour savoir s'il y en avait parmi vous, parce que là, ils réagissent quand ils dorment pas. Cela dit, je les aime bien, les Bretons. C'est vrai, je les aime bien. Je veux pas être tout sucre, mais il faut quand même savoir rester glucide. C'est vrai que quand on parle des Bretons, c'est comme si on marchait sur des œufs. Il faut vraiment mettre des semelles de crêpes. Mais les Bretons, c'est quand même, ne l'oubliez pas, les premiers résistants qu'on ait eus en France. Rappelez-vous, nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée. Toute... Non ! Un petit village résiste encore à l'envahisseur et mène la vie dure aux garnisons romaines de Laudanum, Baba Orum, Petit Bonhomme. Époque merveilleuse, ça, Astérix. Rappelez-vous, à la fin de chaque épisode, les mecs, ils bouffaient du sanglier, ils attachaient le Richard Cléderman de l'époque en chaîne, ils le baillonnaient pour pas qu'il ouvre sa gueule. Ça crée des liens. Cela dit, je vois vraiment pas pourquoi de nos jours ils se plaignent, les Bretons, ils font caguer. Oh. Ils ont toutes les sources d'énergie à portée de main. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Ils ont tout, putain. Le mazout. Ils n'ont pas fini d'être livrés. C'est honteux, monsieur. C'est pas raffiné, d'accord, mais c'est gratuit, hein. Non, j'ai ricane. Mauvais. Oh ben non, c'est bidon. Mais, enfin, il n'y a pas de baril en la demeure, mais ça me fait quand même... Pensez à ce petit garçon de 6 ans qui me disait un jour, est-ce que c'est vrai que le Papa Noël, il n'existe pas? Et vous voyez que tout en discutant comme ça, en glosant finalement, on arrive à toucher à l'essentiel, car, n'est-ce pas, la différence fondamentale entre un enfant et un adulte, c'est que l'enfant, il croit au Père Noël, alors que les adultes, ils votent. Alors, il me dit, est-ce que c'est vrai que le Papa Noël, il n'existe pas? Je lui dis, petit, je crains bien que non. Ça lui a fait un choc. Il s'est mis à réfléchir, il me fait alors le bon Dieu. C'était des conneries aussi. C'est pas le même problème. Peut-être le bon Dieu, son planning est très chargé, il n'a pas que ça à faire. Peut-être un jour il s'est barré, il a revendu son fonds de commerce, un truc qui marchait bien pourtant. Je sais pas. En fait, ce qui est sûr, c'est que depuis le bon Dieu, il a été remplacé par une pompe à essence devant laquelle se prosterne aujourd'hui la tout-puissante de ce monde au nom du super, du fuel et du white spirit. Le cadeau du week-end. Le cadeau du week-end, dans un instant. Auparavant, je dois immédiatement vous signaler que c'est terminé en ce qui concerne les places que nous avions à vous offrir pour Serge Yadot, pour ce spectacle qui va se dérouler mercredi 23 février à partir de 20h30 à Bruxelles, au Palais des Beaux-Arts. Il ne sera pas seul, il y aura également Paul Deray ainsi que Alain Gosset. Alors, bonne soirée de la part de Histoire de Rire à Monsieur Nejol, à Monsieur Debru, vite, Monsieur Jean Klefkens et Monsieur Dorard. Vous rendez au guichet et simplement vous dites que vous venez de la part de Histoire de Rire. Les organisateurs seront avisés de votre venue pour ce spectacle de Serge Yadot. Cadeau du week-end, nous sommes en ce moment quelque part en Belgique, à Je Map, chez Monsieur Castio. On lui donne beaucoup de chance là, hein. Ça fait combien de sonneries? En moins une dizaine. Apparemment, il n'y a personne. à Je Map chez Monsieur Castillo. Non, ça suffit, je crois. Hein. 5 sonneries sont largement dépassées. Dommage pour Monsieur Castillo. Je vous signale que tout au long du week-end, du samedi 13h au dimanche 15h, vous pouvez emporter les cadeaux, les fameux cadeaux du week-end, qui ce week-end sont offerts par le Salon de la Maison et des Vacances de Charleroi. Si vous voulez tout connaître en matière de maison, si vous voulez préparer vos vacances 1983, ne manquez pas de vous rendre dès samedi prochain au Palais des Expositions de Charleroi pour visiter ce grand salon des vacances de la maison. Alors, je vous rappelle également que si vous voulez jouer chaque semaine au cadeau du week-end, vous devez être bien sûr très fidèle du samedi 13h au dimanche 15h et en même temps nous envoyer chaque semaine une carte postale sur laquelle vous inscrivez votre nom, votre prénom bien entendu, votre adresse exacte et votre numéro de téléphone. Et qui sait, le samedi 13h au dimanche 15h, peut-être que vous serez appelé par le cadeau du week-end. Soyez heureux avec Week-end sur la 2. Le cadeau du week-end. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et nous apprenons que pour concurrencer de manière écologique l'important trafic des overcraft et des ferryboats, Eddie Merckx et son coéquipier Guy Dontcourse proposent avec leurs confrères Jean Passe et Desmeyer de prendre en charge les passagers sur un pédalo géant. À noter que le gouvernement belge avait déjà essayé de convertir d'anciens cargos en cars ferry, mais leur vitesse était beaucoup trop lente que pour être exploitable. Notez qu'il n'y a rien d'étonnant, puisque ce sont des ex-cargos. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Alors, Urbain, passez-moi l'inter. T'es pas Urbain, c'est Paul. Alors, passez-moi l'inter, Paul. Allô, Joseph, c'est Marie. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ce soir, je vais au ciné. Voir quoi? Les Bidas contre Ponce Pilate. Mais c'est un navet, Maria. Allô, ici D'Artagnan. Oui. Voulez-vous dire à Milady que je passerai à chercher à 2h? C'est impossible. Mais pourquoi? On ne peut pas chercher Milady à 14h. Allô, la reine d'Angleterre. Yes. Ici Catherine la Lumière. What? Allô, Philippe Bouvard. Lui-même. C'est vrai que vous allez faire les grosses têtes à Rome? Mais oui. Mais pourquoi? Parce que je veux devenir le Bouvard des Italiens. Allô, Bernard Ponce? Non, il enduit. Allô, le Kremlin? Non, à qui voulez-vous parler? À Gros Mico. De la part de qui? Le petit Gervais. Allô, le ministre du Temps Libre? Il est occupé. Allô, monsieur Jules Ferry? Monsieur Jules Ferry a une entorse. Comment? Jules Ferry, boite. Allô, Jésus? Oui. En scène. Allô, pourrais-je parler à monsieur Fritz Lang? Fritz Lang? Oui, le ministre de la Culture. Ah, c'est pas Fritz Lang, c'est Jacques Lang. Ah bah, excusez-moi pour cette erreur. Oh, de toute façon, c'est une erreur. Allô, pourrais-je parler à Goya? Le peintre ou la chanteuse? Bah voyons, monsieur, le peintre est mort. Dommage, et la chanteuse? Elle chante. Dommage. Allô, madame Edith Cresson? Madame Cresson est en voyage. Où ça? À Batavia. Allô, Jean-Paul Belmondo? Ouais. C'est vrai que vous allez arrêter les cascades? Chut. Allô, pouvez-vous me dire la différence qu'il y a entre Fabius et Findus? Ah, mais certainement le premier s'occupe des contribuables et le deuxième des congelés. Ou alors c'est l'inverse. Allô, vous êtes type ce soir? Ah non, non, ce soir j'ai 21 personnes à dîner. 21 personnes? Eh oui. Mais qui ça? Lady Chatterley, Léon Citron. Allô, Kadhafi? Il a rien. Allô, pourrais-je parler à Bernadette Soubirou? Elle est dans la grotte. Jusqu'où? Allô, vous avez aimé le dernier bouquin de Janco? Ah, beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est le dernier. Allô, l'Élysée ? Oui ? Pourrais-je parler au beau-frère de Roger Hanin ? Allô, le journal Les Échos ? Je vous écoute, écoute. Il y a quelques temps, j'avais fait un cours d'éducation sexuelle avec un professeur qui est la réplique exacte au masculin d'Ursula Andress. Il s'agit de... Oui, Paul Prébois, c'est lui. Elle, c'est UU, lui, c'est Pépé. Et j'ai voulu vous faire ce soir un cours d'éducation conjugale. Il faut évoluer. Alors, avec le même professeur, toujours aussi fringant, toujours aussi mal fringué, je vais vous le chercher, monsieur Paul Prébois. Ah Silas, mes petits, les mains sur le pupitre, j'aime pas ça pendant la classe, oui. Ça rend sourd en plus, ça soit toi, bon. Mes enfants, nous allons faire un cours d'éducation conjugale, voilà. Nous allons parler de l'adultère, sortez vos petits livres jaunes, le manuel du cocu, voilà, c'est bien. J'espère qu'il n'y a pas de retardataire. Ah, si, mon petit Mourouzi, approche-toi, va, assois-toi. Passe pas ta jupe, assois-toi. Oui, hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Bonjour, oui, c'est ça, bonjour. Bonjour, oui, c'est ça, bonjour. Bonjour, oui, c'est ça. Il est poli, mais un peu con. Retire ton casque de moto. Ta tête enfle, brave gosse, il est brave. Ah, si. Mes enfants, hier, nous avions parlé de la séduction. Eh ? Tu me poses une question, mon petit bouvard ? Sors de ton tiroir, je te vois pas, là. C'est ça, oui. Pourquoi je te mets en boîte ? Parce que ça rentre, brave gosse, va. Vas-y, n'aie pas peur, pose ta question, pose-la à côté de toi, rentre pas dedans. Oui, vas-y, pose ta question, mon petit. Bien, mon cher professeur, je voudrais savoir si, foutu comme je suis moi aussi capable de draguer. Mais non, mon petit, pour draguer, il faut être gras et costaud, toi t'es tout petit et t'es tout rond. Rappelle-toi la dernière fois que t'as fait la jeunesse, t'es allé au tennis, ils t'ont pris pour une balle neuve, t'es venu avec des bleus partout. Reste là, bravo gosse, il est gentil. Mais enfin, imaginez la situation. Le mari rentre à la maison. Que trouve-t-il ? Sa femme couchée à 4h de l'après-midi. Mon Dieu, bizarre. Avec qui ? Un autre. Quelle va être sa réaction ? Plusieurs réactions. D'abord, une réaction généreuse. Mon petit Enrico. Po. Mais qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu ? Mais ma femme avec un homme, mais c'est merveilleux. Parce que tous les hommes du monde, ils sont des frères. Il faut prêter sa femme à tous les gens du Nord et du Sud. Et que Paris m'a pris dans ses bras. C'est généreux, ça, mon petit. Ça t'arrivera d'autres fois. Va, bravo, gosse. Va. Il est gentil. Non, il peut y avoir une réaction beaucoup plus théâtrale, mon petit Fernandel. Parfaitement. Alors, comme ça, je suis... cocu. Je m'en doutais un peu. Alors, comme ça, madame, vous n'avez rien à dire. Quant à vous, monsieur, comment ? Sorry. Oh, c'est un anglais. C'est un gentleman. Je vais donc me conduire en gentleman. Madame, aïe pardonne tout you d'avoir dormi avec le zigoto qui est là. Monsieur, aïe pardonne aussi d'avoir touché à ma wife qui est là. Aïe pardonne, mais vous pourriez vous arrêter quand je parle. Non, mes enfants, il peut y avoir une réaction beaucoup plus nerveuse. On va demander à un tout petit, mon petit de Funès. Alors moi je suis là, vous me regardez là. Ah, mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible. On s'arrête. On n'applaudit pas les gigis. Mais je ne le crois pas. Mais c'est ma chambre, c'est mon lit, c'est ma femme et c'est pas moi. Moi je suis là. Viens ici que je te tape. Viens, oui, toi, viens ici, le mec. Viens. Il est parti. Il s'est dégonflé, il est parti. Il est pas parti. Il est grand. Oh. Non, je dis, vous êtes grand, c'est le rugby, c'est oui. Non, je dis oui, mais je dis c'était de... Non, je ne pas Non, j'étais juste venu dire bonjour à ma femme, à la vôtre, à la nôtre, c'était dire. Et alors, non, je ne suis pas méchant, non, rien. Je veux juste... Voilà, je m'en vais. Voilà, je me prends par la main, je m'emmène. Je suis plus là, regardez, je suis plus là. Je suis encore là, mais je me suis oublié. Oh non, mais j'aime pas. Il peut y avoir Une réaction beaucoup plus décontractée, mon petit Garcimore. Bon, là, je suis décontracté, là. Parce que, bon, je suis rentré dans la chambre, j'ai vu le monsieur, il m'a fait cocu, alors je lui ai fait bonjour. Il m'a refait cocu, alors je lui ai fait bonjour. Puis comme il paraît, quand on n'a pas la chance en amour, on a la chance au jour, je lui ai dit, reviens tous les mardis pendant que je fais la grille pour le loto. Oh oui, c'est marrant, ça. Mon petit Jacques Fabry, t'as peut-être une réaction plus optimiste. Ça me fait rire, ça me fait rire, ça me fait rire. Ma femme avec un homme, ça me fait rire, ça me fait rire. Continuez, continuez, faites comme si j'étais pas là, faites comme si j'étais pas là, allez-y. Ça me fait rire, ça me fait... cette position, je connaissais pas. Allez-y, allez-y, allez-y, c'est bien. C'est bien, je vous prendrai au cirque, je vous prendrai, je vous prendrai. Allez-y, hein, ça me fait surtout rire parce que... c'est pas ma femme. C'est mon frère, faut toujours qu'il s'aiguise, faut toujours qu'il s'aiguise. Non. Mais enfin, il peut y avoir une réaction... beaucoup plus calme, mais beaucoup plus dangereuse. Mon petit Gabin. Oh. Alors là, mes joyeux, vous êtes dans le bon loin. Puis en plus, c'est les miens. Alors, toi, la gonzesse, tu vas prendre tes clics avant que je te mette des claques. Puis quand t'as toi le froluquet, ben t'as pas de peau. T'as pas de peau parce que j'ai mon pétard sur moi. Et que je vais te faire tellement de trous dans la peau que la prochaine fois que tu verras un morceau de gruyère, faudra que tu l'appelles papa. Ah non, mes enfants. Voyez, déjà un mort, l'adultère est très dangereux. Alors faites comme moi. Vivez avec une femme qui ne vous trompera jamais. C'est ce que je fais, moi. Je vis avec ma maman. Ah. Hit de Roja, Claude Bolling. Attention, dimanche prochain, nous allons réaliser toutes nos émissions de Dimanche sur la 2 depuis Charleroi, depuis le salon de la maison et des vacances. Il y aura bien sûr toute l'équipe animation et puis... non, il sera pas là, d'accord. Et puis il y aura aussi Roland Magdan. Et oui, il sera avec nous en direct pour cette émission Histoire de rire entre 10h et 11h depuis le salon de la maison et des vacances à Charleroi. Décidément, nous sommes gâtés pour ce mois de février. Roland Magdan qui va démarrer. Également mercredi, ça tourne en Belgique, à Bruxelles, à Charleroi, à Liège. Ils seront également à Mons le 27 février au Théâtre Royal de Mons à partir de 16h30. Alors, si vous désirez participer à cette émission sous une forme un peu particulière, si vous désirez mettre à l'épreuve, par exemple, Roland Magdan, d'une manière souriante, bien sûr, vous pouvez nous envoyer toutes les questions qui vous passent par la tête, les questions les plus folles, les plus dingues, à propos des personnages et peut-être aussi à propos de la carrière de Roland Magdan. Et je suis sûr qu'Adrien a déjà pensé à une question, lui. Ah, moi, j'en ai déjà préparé trois, du style... choisissez une couleur entre 1 et 5. D'accord. Quelle est la différence entre un pigeon? Quel âge avait Rimbaud? Etc, etc. On en passe, mais je fais confiance aux auditeurs. Mmh. Parce qu'ils ont une imagination débordante. Débordante, comme vous dites. L'adresse, c'est simple, hein? Le jardin du Mailleur à Mons. Ah, histoire de rire, voilà, vos questions à propos de Roland Magdan qui sera donc avec nous dimanche prochain entre 10h et 11h depuis Charleroi. Vivement dimanche. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je prends l'antenne un très court instant pour vous annoncer que le mystère de la femme coupée en morceaux reste encore entier. Néanmoins, les enquêteurs peuvent maintenant écarter toute hypothèse de suicide. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Il y avait... C'est pas là pour se faire engueuler. Chanson comique. Ah, d'ailleurs, c'est fini, j'y vais plus, hein. Bah, il m'est arrivé une me rêve une histoire extraordinaire. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qu'il passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi Zanzibar. Bon, et sur le champ, on est refoulé par les agents. Bon, circulez là. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Et tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard quand la reine reviendra, ma parole nous en viendra pas. Le jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai amené dans un petit bistrot où l'on goûte un Beaujolais. Près de vrai, un hectare de première. Allez, on est sorti très à l'aise. Et voilà que j'ai eu l'idée de Rémi Chinois. Mais j'ai compris devant le rouleau à partir ici. Oh, sur la tête. On n'est pas là pour se faire engueuler. On est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer. On est venu faire une petite bolette. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse incroyable. Ouvre cette porte et sors les verres. Ne t'obstine pas, je pense à le prochain coup. Ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là qu'on a fait passer le soir même. Et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à gueuler. On n'est pas là pour se faire engueuler, on n'est plus essayé l'auréole. On n'est pas là pour se faire engueuler. On est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous planquez les ivrognes à la porte, il ne doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mets-nous au bar. Alors on est descendu chez Satan et en bas c'était les patrons. Si vous plantez tant, quand il est encore temps, on peut finir par le cadeau du week-end. Attention, mesdames, messieurs, le cadeau du week-end, deuxième dans cette émission Histoire de rire, Jean-Loup, format numéro de téléphone, et nous allons à Bruxelles. Attention, et notamment chez monsieur François Donnet. Chez monsieur François Donnet, s'il écoute la radio, décrochez 5 sonneries maximum. Attention pour ce cadeau du week-end, monsieur François Donnet qui habite Bruxelles. Je connais un autre François. Oui, ça sera pour tout à l'heure. Hein. Bah ouais, on va bientôt vous retrouver, monsieur Pirette. Première sonnerie chez monsieur François Donnet qui habite Bruxelles. Attention, deuxième sonnerie. Allô? Oui, monsieur François Donnet. Un instant, je vais vous l'appeler. Oui. Monsieur Donnet. Ah bon. Monsieur François Donnet, s'il vous plaît. Allô? Oui, monsieur François Donnet? Oui. Oui, bonjour Serge Van Alwijn, Jean-Loup Viseur et Adrien. Pour le mon Dieu. Comme vous dites, pour le cadeau du week-end, vous nous avez envoyé votre carte postale. François, oui. Vous connaissez le principe, on va vous faire écouter une bande magnétique. Et avant la minute, vous criez très très fort, cadeau. D'accord François? C'est parti, attention. Une radio FM stéréo, une radio FM stéréo, voilà votre cadeau François. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. J'espère que ça vous fait plaisir. Oh bien sûr. Et pour écouter le deuxième programme, justement en FM stéréo. Oui. Voilà François. Enfin, eh bien, merci beaucoup. Monsieur François Donnet vient donc d'emporter un radio FM stéréo, de quoi écouter tout le week-end notre week-end sur la 2. Vous savez qu'entre le samedi 13h et le dimanche 15h, on peut vous appeler à tout moment et peut-être vous faire gagner des cadeaux du week-end. Pour ce faire, il suffit de nous envoyer chaque semaine une carte postale avec votre nom, votre adresse complète et votre numéro de téléphone. Bien entendu, vous jouez avec nous au cadeau du week-end et je vous rappelle que les cadeaux de cette semaine et de ce week-end sont offerts par le Salon de la Maison et des Vacances de Charleroi qui ouvrira ses portes la semaine prochaine, 26 février, samedi. Vous savez également que toute l'équipe animation sera présente au Salon dimanche prochain. Nous serons présents au Salon des Vacances et de la Maison en Charleroi. Si vous voulez retrouver vos amis Adrien, vos amis de l'équipe animation, eh bien, ne manquez pas de venir nous rejoindre au Salon. Nous sommes dans le studio appelé Studio Diamant du Salon du Palais d'Exposition de Charleroi. Et vous pourrez jouer avec nous, bien sûr, aux cadeaux du week-end. Je vous rappelle que dimanche prochain, les cadeaux du week-end seront réalisés en direct avec le public sur place. À propos de ce salon, justement, nous aurons également un invité, Roland Magdan. Alors, si vous désirez lui poser des questions tout à fait folles, hein, tout à fait dingues, n'hésitez pas. Histoire de rire, Roland Magdan, spécial Roland Magdan, Jardin du Mailleur, 7000 monstres. N'oubliez pas, chaque semaine, les cadeaux du week-end, le cadeau de fidélité. Alors, avec Week-end sur la 2, soyez toujours heureux. Le cadeau du week-end. Dans Histoire de rire, le moment du canular fumé avec François Pirette, que je salue. Bonjour François. Et bonjour Serge. Ah non, c'est Luc. Ah non, c'est Serge. Ah, pour une fois que je ne m'étais pas trompé. C'est Serge. Alors mon cher François, qu'est-ce que vous avez préparé de bon aujourd'hui? Mijoté pour ce canular. Un steak avec des frites et de la salade. Mais encore. Ah oui. Ah, pour l'émission. Oui, exactement. Ah, pardon, parce que vous savez que vous passez à dîner chez moi aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ma femme, Josiane. Vous savez. Oui, Josiane. Oui, c'est oui. Sympa, votre épouse. Oui, non, cette semaine-ci, j'ai téléphoné chez un horloger bijoutier. Mm-hmm. Et je lui ai avoué qu'il y avait une anomalie dans son horloge. Vous savez, les horloges publicitaires qui sont sur les façades. Et alors, voilà ce que ça donne. L'horloge barbote. Allô? Allô? Oui? Je suis bien chez monsieur... Oui, monsieur. Écoutez, madame, François Pirette à l'appareil de la SNCB. Écoutez, madame, je ne suis pas fort content parce qu'il m'arrive un grave problème à cause de vous. Oui? Oui. La semaine passée, j'ai remis ma montre sur votre horloge. Oui. Et je suis arrivé à cause de ça un quart d'heure en retard à mon travail. Oui. Bon. Seulement, moi, je conduis le train postal. Oui. C'est-à-dire que tous les colis postaux du convoi de Bruxelles sont arrivés en retard là-bas. Oui. Mais un quart d'heure en retard, chez nous, ça fait une journée de retard. Oui. Alors moi, j'ai eu un blâme et on m'a retiré 10 000 francs sur mon salaire à cause de ça. Oui. Écoutez, moi, j'ai remis ma montre à l'air sur votre horloge. C'est... Mais monsieur, nous faisions des travaux la semaine dernière au point de vue électricité. Alors nous avions un ouvrier qui travaillait ici et qui, par moment, coupait l'électricité. Oui, mais hey, vous ne vous rendez pas compte du problème que ça cause chez nous à cause de votre électricité. Ben oui, mais monsieur, quand on a des appareils défectueux ou qu'il y a des choses à faire, on est bien obligé de le faire. On ne saurait rien faire d'autre. Je ne veux pas obliger l'électricien à laisser le courant sur le compteur s'il doit y travailler. Ben, vous n'êtes quand même pas horloger pour rien. Votre métier est de donner l'heure, madame. Mon avocat, il me dit que, étant donné que vous avez une horloge qui donne sur la rue, ça devient un service public que vous offrez gracieusement. Je l'offre bien volontiers, mais seulement quand il y a des pannes dans la maison et qu'il faut réparer ces pannes-là, je ne saurais rien faire d'autre que de couper le courant. C'est d'ailleurs pas moi qui l'ai coupé, c'est l'électricien. Vous direz ça à votre avocat. Ce sont des cas de force majeure. Et vous lui direz aussi que quand la danse coupe l'électricité, eh bien c'est pareil, mais vous devez être grand assez et malin assez que pour dire, tiens, il y a peut-être un problème, laissez votre montre à l'heure où elle est et vérifiez à la gare en arrivant. Il était tôt assez de se dire, tiens, ma montre avance ou ma montre retarde. Oui, mais moi, écoutez, on avait été à l'anniversaire chez ma sœur. Je suis rentré avec un petit verre dans le nez. Ah, ben ça, je m'en peux pas. Mon horloge, elle marche à l'électricité. Ah, moi, je suis bien d'accord, mais les trains aussi, je nous imagine l'électricité. C'est pas pour ça que quand on fait des travaux, on coupe le courant. Je ne figurais pas que je vais tester le...